voici Monsieur Villarnoville. Oui. Salut les amigos. Oui. Alors j'annonce devinette. Ah. Vous connaissez le point commun entre le 12 et le 15 juin? Ouais, t'as dit juin, comme un sale belge que t'es. Bien tenté, non, pas du tout. Non, le 12 et le 15 juin, c'est la Saint-Guy. Ah, voilà. Deux fois, ce qu'on appelle dans le milieu du prénom dégoûtant, remuer le couteau dans la plaie. Vous allez me dire, ça va, Guy, c'est classique, ça se démode pas. Ça peut pas se démoder, ça a jamais été à la mode. Quoi? C'est pas la Saint-Guy aujourd'hui. C'est la Saint-Guy. C'est vrai, le 12 et le 15 juin. Tu connais les machins de Saint? Je crois qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Germain. Ah bah alors ça marche pas, ça chronique. Si, non, c'est Saint-Guy, pas vrai. Saint-Guy. On a nul. Je suis un professionnel. Faites confiance au professionnel. Moi je crois que c'est la Saint-Guy parce qu'il faut continuer. C'est que le papier, bah, on dit que c'est la Saint-Guy. Le papier s'écroule. Hein, vous savez, moi je m'appelais Guy à la crèche. Tout le monde me prenait déjà pour un mec expérimenté, quoi. Les puéricultrices, elles me parlaient de leurs problèmes. Oh, Guy, mon mec prend jamais d'initiative, que faire? J'ai mûri très vite. À 14 mois, j'étais en ménage. À 2 ans, il me fallait des verres correcteurs pour mes hauts croisés. Vraiment, c'était pas cool de s'appeler Guy. Hein. Puis il y a eu le film d'Alex Lutz. C'est fou, avant votre film s'appelait Guy, c'était vraiment ringard. Et après aussi. Et je trouve que cette constance, elle est remarquable dans un monde qui change. C'est vrai d'avoir des points de commun, des points de repère immuables, c'est rassurant. Michel Drucker, c'est le dimanche. S'appeler Guy, ça donne envie de se jeter dans un volcan. C'est vrai, vous auriez pu donner un coup de main quand même, tu vois. Votre Guy, vous auriez pu en faire un DJ. Ouais, non, vous avez choisi d'en faire un vieux raté émouvant. Mais bravo, au nom de la communauté, on vous remercie pas. Tiens, en parlant de vieux raté émouvant, je parlais avec Nagui l'autre jour. Et il me disait, ah non, stop, j'arrête cette vanne immédiatement. Non, j'arrête cette vanne à la source, c'était gratuit, plus de vanne gratuite. Merci. Nouvelle politique de la maison, dorénavant, que des vannes approuvées par l'accord de Paris sur le climat. Bah, tout pour un monde plus vert. Non, en parlant de raté, là on sent que la vie reprend comme avant et quelque part ça me met une angoisse parce que j'ai plus d'excuses pour rater ma vie. Quoi. Vous allez me dire, Ernesto, fils d'un loukoum, t'es un briouat, c'est pas parce que t'es chroniqueur à la bande originale que t'es un raté. Clairement, t'es pas un réussi non plus. T'es pas un réussi, frère. Mais tant que t'auras pas 5 chroniques par semaine qui commencent par non, l'invité, je ne vous aime pas, tu pourras pas dire que t'es un raté. Je sais, et encore 2 semaines, le Covid, c'est la bonne excuse pour tout. Tu vois, j'ai pas d'inspiration, putain de Covid, j'ai pas de vie sociale, putain de Covid, j'ai une 3 par molle, alors qu'il est quand même bien filmé ce porno, putain de Covid. Mais là, j'ai plus d'excuses, tout va mieux. Objectivement, j'ai démarré mon spectacle hier, carton. J'aime pas me vanter, mais on m'a dit, depuis Maurice Chevalier en 42, on avait plus vu ça dans Paris, quoi. 800 personnes dans la rue, alors que la salle peut en contenir 19. Bah, ça s'est battu au couteau. Dehors, vraiment, j'ai dû jouer derrière un cordon de CRS. Le public était hystérique, ça lançait des soutiens-gorge. J'étais là, arrêtez, continuez. Ah oui, qui suis-je pour interdire aux femmes d'exprimer leur amour? C'est vrai, Leïla, je vous dis juste, lancez-le pas trop fort. Ouais, tu prends une agrafe dans la rétine et hop, strabisme. C'est vrai, c'est ce qui arrive à Joe Dassin. J'ai cueilli des fleurs et bim dans l'œil. Après ça, il a plus jamais réussi à faire un 100 mètres. Et là, objectivement, toutes les conditions sont réunies pour nager dans le bonheur. Les bars sont bondés, la France a perdu contre l'Allemagne. Enfin, ce soir, quoi. Mais ça va pas. T'es dingue ou quoi? Dehors, le soleil donne. De l'or intelligent, la même couleur aux gens, gentiment. Il l'a dit, Daniel Balavoine. Et il y a tout pour être heureux. Du coup, je me sens coupable d'être dans un semi-enthousiasme. Quelque part, j'étais bien, moi, en confinement. Et à 19h30, je mangeais. À 20h, série. 23h, dodo. Levé 7h. 7h30, écriture de ma chronique. 7h42, sieste. Jusque 19h. Et ainsi de suite. Ouais, ça se sentirait si j'écrivais de plus de 13 minutes. Hein. Je ferais pas des intros où je recycle mes vannes sur qui. Je regrette pas le confinement, évidemment. C'est juste, c'était confortable, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on va vers une nouvelle pandémie, les amis. C'était pas le Covid. Non. Avec les vaccins et la libération sexuelle, il va y avoir une de ces pandémies de chlamydia. Ça me pend au nez. C'est pas au nez que ça pend. Couvre-feu 14h30, tu pourras avoir des contacts sociaux qu'avec une personne, toi-même. Tu vas avoir des virologues qui vont expliquer comment se masturber sans risquer de toucher personne. Tu vois, alors l'important, c'est vraiment de bien viser le lavabo. Et ce sera reparti. 7h, fin de chronique, 42. La vraie vie, quoi. Bonne émission, les amis. Merci, bravo. Et Guy, on se retrouve donc en ce moment au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 28 juillet. Tout à fait. Ça, c'est bien. Et en tournée à la rentrée. Absolument. Et voilà.